إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 48 dans le livre de Kitab al-Kaba'ir de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, avec les explications de Cheikh Saleh al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Et on est arrivé hier, on a commencé le chapitre Babun ma ja'a fi shahadati zur. Babun ma ja'a fi shahadati zur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été rapporté, le chapitre, au sujet de ce qui a été dit, ou de ce qui a été ramené à propos des faux témoignages et puis des paroles mensongères. Et on a lu l'explication de certains, on a lu l'explication du titre. Qu'est-ce que c'est Shahadat al-Zur? On a lu, le verset. Maintenant, on va continuer donc dans l'explication à ce sujet. Il dit maintenant le Cheikh Saleh al-Fawzan, il dit wa qawluhu fi hadith ibn Umar inna at-tayla la takhfiqu ajnihataha wa tarmi ma fi hawasilha min hawli yawm al-qiyamati wa inna shahid az-zur لا تزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار. Donc le cheikh il dit قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فقيام الساعة أمر عظيم تذهل من شدته الخلائق والعياذ بالله. قال سبحانه ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فهو فزع وجزع وقد سماه الله الفزع الأكبر فقال لا ولا يحزنهم الفزع الأكبر نعم فقال لا يحزنهم الفزع الأكبر فمن شدة هوله تكون هذه هي حالة الطيور وهي غير مكلفة ولا ذنوب عليها فما بال المذنبين والكفار والمشركين والعياذ بالله. Donc le cheikh il cite donc la partie du hadith, la première partie du hadith de Ibn Omar radiyallahu anhuma, et c'est un hadith qui est rapporté selon Abu Ya'la dans sa Musnad et par At-Tabarani également, comme on avait dit hier, et Ibn Umajah aussi. Et ça dit quoi? Ça dit que l'oiseau, elle bat avec ses ailes et elle lance ce qu'elle a attrapé par la crainte de l'heure du jugement dernier. Donc, il cite le cheikh un exemple de ça dans Surat al-Hajj, parce que ça montre en réalité la, qu'est-ce qui se passe au jour de l'heure du jugement dernier, le fait que les créatures ont peur. Lorsque l'heure du jugement dernier arrive, les créatures sont effrayées. Et parce que c'est un jour effrayant, c'est un jour effrayant, et il y a beaucoup de choses qui se produisent qui font peur ce jour-là, puisque c'est la fin du monde. Donc, le cheikh cite le verset 1 et 2 dans Surat al-Hajj. Et dans ces deux versets, on trouve les significations suivantes. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: ô homme, craignez votre Seigneur. Le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Le tremblement de terre qui précédera l'heure du jugement dernier est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice, une femme qui est en train d'allaiter son bébé, elle oubliera ce qu'elle allaitait. T'imagines? Ça, tu ne peux pas imaginer. Subhanallah. Une femme qui a un bébé en train de le nourrir, en train de le faire allaiter, boire du lait, et puis elle le laisse, puis elle oublie son bébé. Ça, c'est impossible. C'est juste pour montrer, en fait, à quel point ce jour-là est terrible. Parce que ce jour-là est tellement terrible que même ça, des choses comme ça, on va le voir. Une femme qui allaite, elle laisse son bébé comme ça. Et toute femelle enceinte avortera ce qu'elle portait. Donc ça veut dire toute femme enceinte ou des femmes qui ont un bébé, ou même tout ce qui avait comme qu'elle porte dans son ventre, ça sort. Même si c'est pas le terme. Et tu verras les gens ivres. Ils marchent comme s'ils sont ivres, mais ils ne sont pas ivres. Mais le châtiment d'Allah est dur. Donc ça, c'est l'exemple de ce qui est mentionné pour montrer à quel point ce jour-là est terrible. Et le cheikh, il dit donc, quand l'heure du jugement dernier va être établie, c'est quelque chose de grave, c'est quelque chose de sérieux, et les gens seront effrayés à cause de la dureté des événements. Et le cheikh, il mentionne un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et on soufflera dans le clairon, et tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est vivant dans les cieux et sur la terre sera foudroyé, excepté celui que Allah a voulu. Donc il y a une crainte et une peur, une épouvante ce jour-là. Les gens sont effrayés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a appelé Al-Faza'ul Akbar. La grande crainte, la grande épouvante, la grande peur. Et c'est le verset 103 dans Surat Al-Anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos des. Il mentionne, il dit: La yahzunuhum Al-Faza'ul Akbar. Donc on va lire l'explication de qu'est-ce que le cheikh il explique à ce sujet-là après. Donc le verset 103 dans Surat Al-Anbiya qui dit ce qui signifie: la grande terreur ne les affligera pas. Et ça fait allusion à ceux qui étaient précédemment promis, en seront écartés ceux qui étaient précédemment promis de belles récompenses de notre part, c'est-à-dire les gens qui ont fait des bonnes œuvres. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. Ils seront écartés de l'enfer. Et après Allah dit: لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون. Ils n'entendront pas son sifflement et jouiront éternellement de ce que leur âme désire. Et après dit: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset suivant, la grande terreur ne les affligera pas, et les anges les accueilleront. Voici le jour qui vous a été promis. Donc, ça c'est pour dire qu'il y a une grande terreur ce jour-là. Hein? Et ceux qui ont été pieux et qui ont eu la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne seront pas affligés par cette grande terreur. Il dit le cheikh ensuite que, à cause de la grande peur et la grande crainte de ce jour-là, même les oiseaux, hein, ils vont laisser ce qu'ils ont attrapé comme nourriture. Ça, c'est avant lorsque l'heure du jugement dernier est établie, que la fin du monde commence. Naam. Et le cheikh, il dit, malgré que les oiseaux ne sont pas mukallaf, les oiseaux, ils n'ont pas de péché. Hein? Ils ne sont pas ils sont pas responsables de ce qu'ils font. C'est des créatures d'Allah qui sont, et ils suivent leur instinct. Ils n'ont pas d'ordre ou d'interdiction. Ils n'ont pas de péché comme les êtres humains. Mais malgré tout, ils ont peur. Alors le cheikh, il dit, alors que dire des pécheurs? Que dire des kuffars? Que dire des mouchriquins? Wal'iyadu billah. Hein? Ça, c'est grave. Si c'est l'état avec les créatures comme les animaux et les oiseaux, ils ont peur. Donc, comment imaginer l'état des pécheurs, des mécréants et des mouchriquins à cette époque, à ce moment-là? Hein? Que Allah nous préserve de ça. Après, le cheikh, il dit, wa qawluhu fi hadith ibn Umar radiyallahu anhuma, inna shahid az-zur la tazulu qadamahu حتى يتبوأ مقعده من النار وهذا هو الشاهد من الحديث وهذا وعيد شديد لشاهد الزور أن مصيره إلى النار فيجب على المسلم أن يتجنب شهادة الزور وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهادة فقال هل ترى الشمس قال نعم قال على مثلها فاشهد على مثلها فاشهد فلا تشهد إلا إذا كنت متيقنا لما تشهد به قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أما إذا لم تكن متيقنا ولكن يعني تكن عالما بما تشهد به بما تشهد يعني إذا أما إذا لم تكن متيقنا ولم تكن عالما بما تشهد فإياك أن تشهد واحذر أن تبني شهادتك أو أن تبني شهادتك على الظن لأن الظن كما قال تعالى لا يغني من الحق شيئا إذن لا بد من اليقين في الشهادة وإلا فاتركها لتكون في عافية فإن شهدت وأنت ليس عندك علم بما شهدت به يعني كانت هذه شهادة زور وتجب لك النار يوم القيامة. Donc le cheikh il explique et il dit que يعني la parole du professeur dans la suite de ce hadith de Ibn Omar radiallahu anhuma, il dit que la personne qui fait un faux témoignage, ses jambes ne vont pas glisser jusqu'à ce qu'il, son pied ne va pas glisser jusqu'à ce qu'il voit sa place en enfer. Son pied ne va pas glisser jusqu'à ce qu'il voit sa place en enfer. Et il dit, c'est ça le témoignage, le point important dans ce hadith-là qu'on voulait mentionner, puisque c'est relié directement au sujet du chapitre. Et il y a dans ça une menace sévère pour la personne qui témoigne de façon mensongère et qui fait des faux témoignages, que sa destination sera l'enfer. Et donc il est important pour que le musulman c'est obligatoire que le musulman s'écarte des faux témoignages. Et il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on lui a posé la question au sujet du témoignage. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant: est-ce que tu vois le soleil? Et la personne a répondu: oui, je le vois. Il dit: c'est de cette manière-là que tu dois témoigner. Hein? Quand je te dis: est-ce que tu vois le soleil? te dis oui, je le vois. La même manière que tu dis oui, je le vois, le soleil, c'est de cette façon-là quand on te demande de témoigner que tu dois témoigner. Si tu témoignes, tu dois être certain de qu'est-ce que tu témoignes. Hein? Et le cheikh, il dit, ne témoigne pas à moins que tu sois certain de ce de quoi tu ce à propos de quoi tu témoignes. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 86 dans sourate Az-Zukhruf, il dit, excepté celui qui témoigne de la vérité alors qu'ils savent. Excepté ceux qui témoignent de la vérité alors qu'ils savent. Donc celui qui témoigne et qui n'est pas certain de ce à propos de la chose au sujet de laquelle il témoigne, ou il n'a pas de connaissance à propos de la chose au sujet de laquelle il témoigne, alors dans ce cas-là, il ne doit pas témoigner. Hein? Et il dit, fais attention et prends garde de bâtir ton ou de baser ton témoignage sur des suppositions. Hein? Sur des suppositions ou des choses incertaines. Parce que, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le verset 36 dans Sourate Yunus, hein, le verset 36 dans Sourate Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala dit, inna al-haq la inna al-dhanna la yughni min al-haq shay'a. C'est-à-dire que les suppositions, hein, ne peuvent rien rajouter à la vérité. Les suppositions et les conjectures, ça ne peut rien ajouter à la vérité. Donc il faut que la personne, quand elle témoigne, il faut qu'elle témoigne avec certitude, avec conviction et certitude. Sinon, laisse tomber le témoignage. Comme ça, au moins, tu vas être épargné. Hein? Tu vas être épargné du péché, tu vas être épargné du doute. Hein? Tu fais un témoignage, puis tu n'es pas certain. Tu dis, ah, oui, je pense que je l'ai vu faire ça, mais je ne suis pas sûr. Je l'ai vu, il est sorti, il a fait ça, il est allé là-bas. Hein? Je pense qu'il a fait ça, mais je ne suis pas certain. Non, dire, si tu ne sais pas, si tu n'es pas certain, alors parle pas. C'est mieux de ne pas témoigner du tout. Exactement, tu dis je ne sais pas. Hein? Plutôt que de commencer à dire des choses, tu fais des conjectures, tu supposes des choses, tu n'as aucune preuve, hein? Tu n'es pas certain. Donc c'est mieux de te taire dans ce cas-là. Et sinon, le cheikh il dit, sinon tu laisses tomber. Hein, tu laisses tomber le témoignage si tu n'es pas certain. Et il dit, فَإِنْ شَهِدْتَ وَأَنْتَ لَيْسَ عَنْدَكَ عِلْمٍ. Si tu témoignes alors que tu n'as pas de science à propos de la chose au sujet de laquelle tu témoignes, eh bien ça c'est un faux témoignage dans ce cas-là. Et tu mérites dans ce cas-là l'enfer. Hein, au jour de la résurrection. Et wa amma al-hadith al-akhar alladhi awradahu al-musannif rahimahullah fi hadha al-hadith fi hadha al-bab fa huwa hadith Abi Bakr radiyallahu anhu fa qad jaa fi as-sahihayn wa fihi anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ala unabbi'ukum bi akbar al-kaba'ir thalath marrat qalu bala ya rasulullah qala ash-shirk وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور قول الزور وشهادة الزور فما زال يعني فما زال بقولها حتى قلت ليته يسكت ليته يسكت أي إشفاقا عليه لما رأى من تأثره صلى الله عليه وسلم عند إلقاء هذه الكلمة مما يدل على خطرها. يعني donc le cheikh il dit que l'autre hadith qui a été mentionné, c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Bakra, hein, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Abu Bakra. C'est pas Abu Bakr, c'est Abu Bakra, c'est un autre compagnon. Et ce hadith là, donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux compagnons, est-ce que vous voulez que je vous informe du plus grand des grands péchés? Et il a posé la question trois fois, Voulez-vous que je vous informe à propos des plus grands parmi les grands péchés? Voulez-vous que je vous informe à propos du plus grand parmi les grands péchés? Voulez-vous que je vous informe à propos du plus grand parmi les grands péchés? Ils ont dit oui, certes, au messager d'Allah. Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, premièrement, ash-shirk. Le premier, c'est ash-shirk, parce que c'est le plus grand péché. Ensuite, il a dit, uquq al-walidayn, c'est-à-dire de désobéir aux parents, d'être désobéissant envers les parents. Et il était assis, allongé sur le côté, et il s'est assis, s'est mis en position assise. Il était allongé et il s'est assis. Et il a dit, ala wa qawl az-zur wa shahadat az-zur. Ala wa qawl az-zur wa shahadat az-zur. Ala wa qawl az-zur wa shahadat az-zur. Ala wa qawl az-zur wa shahadat az-zur. Ala wa qawl az-zur wa shahadat az-zur. Et là, à ce moment-là, le rapporteur du hadith, il dit, il a continué à le dire jusqu'à ce que je me dise, si seulement il pouvait cesser. Si seulement il pouvait cesser de le dire et ne plus le dire. Pourquoi? Par pitié pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voit à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam était affecté par cette parole-là. Et donc ça montre en même temps le danger de ce péché-là. Shahadat az-zur, le faux témoignage, ou al-qawl az-zur, c'est la parole mensongère. Et donc le cheikh il explique, il dit que al-kabiratul ula ash-shirku billah fa huwa ibadatu ghayrillah 'azza wa jalla li'anna al-ibadata haqqun lillah la yushraku ma'ahu ahadun wa hadha a'zamu adh-dhunub wal-kabiratu ath-thaniyah 'uququl walidayn fal-wajibu birrul walidayn wal-ihsanu ilayhim wa haqqul walidayn ya'ti ba'da haqqi Allah ta'ala وعقوقهما يأتي بعد الشرك بالله في المرتبة والمراد بالعقوق القطيعة والعاق هو القاطع لوالديه غير البار بهما وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك. Donc le cheikh il explique premièrement le premier parmi les grands péchés qui est mentionné dans le hadith, c'est le shirk avec Allah, faire le shirk, c'est-à-dire d'adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala, parce que l'adoration est un droit exclusif d'Allah seul et on ne doit rien associer avec lui. Donc ça c'est le plus grand de tous les péchés, shirk billah. Le deuxième parmi les grands péchés qui est mentionné dans le hadith, c'est le mauvais comportement envers les parents et d'agir mal envers les parents. Ça c'est le deuxième. Il dit l'obligation c'est d'être bon envers les parents, de bien agir envers les parents, et ça c'est un des droits des parents qui vient après le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le droit des parents il vient après le shirk dans le degré, c'est-à-dire le fait d'être mauvais avec les parents, de désobéir aux parents ou désobéissant envers les parents. Ça c'est un péché qui vient tout de suite après le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'on veut dire par al-uquq en arabe? Ça veut dire le fait de couper. Et il dit que le cheikh il dit al-qat'iyya, al-qat'iyya. Na'am, al-qat'iyya. Il dit al-aq huwa al-qati'u li walidayhi. Donc la personne qui est aq en arabe, c'est-à-dire celle qui agit mal envers ses parents, qui coupe ses parents, qui coupe la relation avec ses parents, qui n'est pas bon avec ses parents. Et ça c'est un parmi les plus grands péchés après le shirk. Et il dit wal kabiratu thalitha shahadatu az-zur. Wa fi al-hadith annahu sallallahu alayhi wa sallam kana muttaki'an thumma lamma arada an yadhkur qawla az-zur جلس واعتذر لأهمية الأمر فيعني غيرت هيئة جلوسه، غيرت يعني هيئة جلوسه ثم ردد الكلام. وهذا فيه حالتان للرسول صلى الله عليه وسلم. الحالة الأولى أنه غير جلسته صلى الله عليه وسلم، والحالة الثانية أنه كرر وردد هذه الكلمة. وهذا مما يدل على غلظ شهادة الزور. فلماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك عند قوله ألا وشهادة الزور، ولم يفعل ذلك عند قوله الشرك؟ الجواب: لأن الشرك يتجنبه المسلم بإسلامه، وكذلك عقوق الوالدين يتجنبه أيضا بمرؤته ودينه، ولكن شهادة الزور قد يتساهل فيه ويظن أو يظن أنه يفعل ذلك لأجل المساعدة أو للحمية، أو يظن أنه لا يلزم من شهادته هذه مسؤولية أمام الله تعالى، ولكون مفسدة الزور متعدية إلى غير الشاهد اهتم صلى الله عليه وسلم بالتحذير منها. بخلاف الشرك فإن مفسدته قاصرة غالبا على المشرك، فلذلك غلظ الرسول صلى الله عليه وسلم من شأنها، لأنها مما يتساهل بها الناس، وأبدى لها اهتماما خاصا. وهذا يدل على أن شهادة الزور من أكبر الكبائر. Donc le cheikh il termine en disant que le troisième péché qui est mentionné parmi les grands péchés dans ce hadith, c'est wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le troisième grand péché qui est mentionné dans ce hadith, c'est le faux témoignage. Et il dit que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était allongé, et lorsqu'il a voulu mentionner la parole mensongère et le faux témoignage, il s'est redressé et il s'est mis en position assise. Donc le cheikh il dit ensuite, il a répété la parole qu'il disait plusieurs fois, ala qawl az-zur ala wa shahadatu az-zur. Donc ça, c'est deux états du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première état, c'est qu'il a changé de position, il était allongé, il s'est assis. La deuxième état, c'est qu'il a répété la même parole plusieurs fois. Donc il dit le cheikh que ça, c'est qu'est-ce qui montre la sévérité et la gravité du faux témoignage dans l'islam. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ça, lorsqu'il a commencé à mentionner, certes, le faux témoignage, certes, la parole mensongère, il a réagit ainsi parce que c'est grave ce péché-là. Et le cheikh, il dit, pourquoi il n'a pas fait ça lorsqu'il a dit le shirk? On sait que le shirk, c'est le plus grave péché, le plus grand des péchés. Donc pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a mentionné le shirk, il n'a pas commencé par le fait de s'asseoir, puisque c'est le plus grand des péchés? Le cheikh, il répond à cette question-là et il dit, parce que le shirk, tous les musulmans, en se convertissant à l'islam ou en acceptant l'islam, ils s'écartent du shirk. De même que le mauvais comportement envers les parents, ils s'en écartent par le bon comportement, puis par sa religion. Tandis que le faux témoignage, les gens des fois, ils prennent ça à la légère. Et ils peuvent parfois penser qu'ils vont le faire pour aider quelqu'un, ou bien pour défendre quelqu'un qui, à cause du lien de famille qu'ils ont avec lui, ou de la parenté, ou de la tribu, ou des choses comme ça. Donc il dit, ouais, je vais témoigner pour te donner un coup de main, je vais témoigner en ta faveur. Alors les gens pensent que c'est quelque chose de bien qu'ils font, alors que c'est un faux témoignage. Alors les gens peuvent, à cause de ça, penser que c'est pas grave, ou que c'est moins grave, que c'est pas un grave péché. Et donc il faut comprendre que le cheikh il dit certains ils pensent pas que le fait de faire un témoignage pour quelqu'un ou en faveur de quelqu'un ou contre quelqu'un, ça c'est une responsabilité devant Allah. Quand tu acceptes de témoigner, pour quelqu'un ou contre quelqu'un, ça c'est une responsabilité que tu prends devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut aussi comprendre que les méfaits du faux témoignage, ils vont avoir des répercussions. Ils vont avoir des répercussions sur autre que la personne qui témoigne. Ça va avoir des effets sur la personne contre qui tu témoignes, si tu témoignes contre quelqu'un. Et si tu témoignes pour quelqu'un de façon mensongère, ça veut dire que, en plus de ça, yani, tu vas témoigner en faveur de quelqu'un de façon injuste, tu vas priver la personne contre qui tu as témoigné de son droit. Et tu vas donner le droit de cette personne à quelqu'un qui ne mérite pas. Parce que tu vas le défendre avec des mensonges, avec des fausses paroles. Donc ça, c'est grave. Et le cheikh, il dit donc que c'est pour cette raison-là que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a donné à ça beaucoup d'importance et il a averti contre ça. Il dit, tandis que le shirk, la plupart du temps, le méfait du shirk ne touche que celui qui le commet lui-même. Et c'est pour cette raison-là que le faux témoignage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été très sévère envers celui-là. Et il a dit, من شأنها أنها يتساهل الناس بها يتساهل بها الناس. Les gens, ils le prennent à la légère. Et donc, c'est pour ça qu'il lui a donné une importance particulière dans ce hadith-là, qui montre la sévérité de ce péché-là, et que c'est un des plus grands péchés parmi les grands péchés. Ensuite, le cheikh, il dit, et là, ok, je regarde l'heure en même temps. Il dit le cheikh, Babun ma ja'a fil yamin. Fil yamin al-ghamous. Fil yamin al-ghamous. Ok. Al yamin al-ghamous. Là, qu'est-ce qu'on est en train de parler? En fait, on est en train de parler des serments. Des serments. Lorsque quelqu'un fait un serment, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va, Othman? Bikhair? MashaAllah, barakallahu fik. Alhamdulillah. Donc, al-yamin al-ghamous. Al-yamin, c'est la droite. En arabe, al-yamin, ça veut dire à la droite. Shimal, c'est la gauche. Al-yamin, shimal. Al-yamin, on utilise pour désigner la main droite ou le côté droit, mais on désigne aussi pour désigner le serment. Parce que quand tu fais un serment, en général, tu lèves ta main droite. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle al-yamin, en arabe, le serment. Al-ayman, le pluriel c'est al-ayman. Et al-ghamous, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Par la suite, après avoir mentionné les hadiths à ce sujet-là. Le cheikh, il dit, عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. Après il dit wali muslim an abi umama رضي الله عنه مرفوعا من اقتطع حق امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان وفي رواية فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة وقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيبا من أراك. Donc ça c'est deux hadiths qui ont été mentionnés. Le premier hadith c'est le hadith qui est rapporté selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jure, qui fait un serment à propos de يعني des biens d'un musulman ou de l'argent d'un musulman injustement, c'est-à-dire il jure que cet argent-là lui appartient alors que ça ne lui appartient pas, ça appartient à quelqu'un d'autre, il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala alors que Allah est en colère contre lui. Puis il a cité le verset 77 dans sourate Al-Imran. Et le verset en question, il dit ce qui signifie: ceux qui vendent à vil prix leur engagement avec Allah ainsi que leur serment n'auront aucune part de l'au-delà. Et Allah ne leur parlera pas, ni ne les regardera au jour de la résurrection, ni ne les purifiera, et ils auront un châtiment douloureux. Donc le verset au complet, c'est ça. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Donc ça, ce qui signifie, comment, qu'est-ce qu'on a dit? Ceux qui vendent à vil prix leur engagement avec Allah ainsi que leur serment, ils n'auront aucune part dans l'au-delà. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ils n'auront aucune part dans l'au-delà. Et Allah ne leur parlera pas. Allah ne va pas leur adresser la parole. Ni les regarder au jour de la résurrection. Et il ne va pas non plus les purifier. Et ils auront un châtiment douloureux. Donc ça, c'est le verset que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité après avoir mentionné que Allah va être en colère contre eux lorsqu'il va les rencontrer. Après, il a cité un hadith qui est rapporté selon Muslim dans son sahih, selon Abi Umama radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui coupe une part du droit de son frère injustement, il va rencontrer Allah et alors que Allah est en colère contre lui. Et il dit, et dans une autre narration, et Allah lui rendra nécessairement l'enfer, le mettra nécessairement en enfer et va lui interdire le paradis. Et un homme a dit: ô messager d'Allah, même si c'est une chose très simple, une chose très facile, futile, une petite chose, il a dit: même si c'était un morceau de bois de harak, comme le miswak. T'as pas compris? Celui qui prend injustement le droit de son frère musulman, Allah, il va rencontrer Allah alors que Allah est en colère contre lui au jour de la résurrection. Et dans une autre narration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah va le mettre en enfer et lui interdit le paradis. Alors il y a un homme qui était là, il a dit: même si c'est quelque chose de simple, même si c'est une petite chose qu'il a pris, ou qu'il a pris injustement au messager d'Allah, il a dit oui, même si c'était un morceau de bois de harak, comme un miswak, qu'est-ce que les gens utilisent pour se nettoyer les dents. D'accord, ça c'est les deux hadiths qui ont été cités. Maintenant on va lire l'explication de ces hadiths-là. Et on va lire aussi la signification de Al-Yamin Al-Ghamous. Il y a différentes sortes de serments dans l'islam. Il y a différentes sortes de serments. Et quand vous lisez par exemple dans les livres de fiqh, il y a un chapitre qui s'appelle Al-Ayman, c'est-à-dire les serments. Et le serment dans l'islam, il a une place très importante parce que c'est quelque chose qui est employé, utilisé même à la cour, le tribunal, pour quand quelqu'un par exemple il se défend de quelque chose, il peut faire un serment pour jurer par Allah qu'il a été véridique ou des choses de ce genre. Et même chez les koufars aujourd'hui dans les tribunaux, c'est la même chose, ils font, quand ils amènent un témoin, ils demandent au témoin de jurer, soit sur un livre ou sur quelque chose. Donc c'est pour dire que le serment, ça existe. Et quand tu donnes ton serment, ça veut dire qu'il faut que tu dises la vérité. Si tu fais un serment puis que tu mens, c'est un péché beaucoup plus grave que si tu dis un mensonge sans faire un serment. Hein? Tu fais un serment par Allah, tu jures par Allah de dire la vérité, puis en plus tu mens par la suite, c'est plus grave parce que tu as invoqué le nom d'Allah dans ce mensonge-là. Hein? Et le cheikh il dit: ومن الكبائر أيضا اليمين الغموس واليمين الغموس هي اليمين التي يحلف صاحبها على أمر ماض وهو كاذب متعمد كأن يقول والله إن هذه السلعة اشتريتها بكذا وكذا وهو كاذب ليغرر بالزبون أو أن قيمتها كذا وكذا ويحلف بالله كاذبا وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها غمسا بالإثم ثم في نار جهنم والعياذ بالله. Donc, parmi les grands péchés, il y a le serment qui est al-ghamous. Ramos, dans la langue arabe, si on le traduit, ça veut dire quelque chose qui est trempé, qui est plongé ou trempé dans quelque chose. Hein? Quand on dit par une ramassa filma en fichier, c'est-à-dire tu t'es disons trempé dans l'eau, t'es plongé dans l'eau, tu t'es imbibé tu t'es trempé dans l'eau. Donc le serment trempé si on le traduit littéralement. Et le cheikh il explique que ce genre de serment, ça, c'est quoi? C'est lorsque quelqu'un il jure à propos de quelque chose qui est arrivé dans le passé, mais il ment intentionnellement et volontairement. Comme par exemple quelqu'un qui dit: je te jure par Allah que cette marchandise, je l'ai achetée à tel prix. Et il dit ça de cette façon pour tromper le client. Il dit ça de cette manière pour tromper son client. Parce qu'il veut... Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il veut que son client achète la marchandise. Alors il lui ment pour que la personne l'achète. Donc il jure par Allah qu'il l'a acheté à tel ou tel prix, alors que ce n'est pas vrai. Et donc il ment, hein, il jure par Allah de façon mensongère, et on appelle ce serment ramousan, on dit de ce serment qu'il est ramous. Pourquoi? Parce que la personne qui fait ce serment-là, elle s'est trempée dans le péché. Et elle sera ensuite trempée dans l'enfer. C'est pour ça qu'on l'appelle Al-Ramous. D'accord? Et le Cheikh il dit: فَالْيَمِينُ تَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ. Donc il y a trois formes, il y a trois sortes de serments. Hein? Il y a trois sortes de serments, trois catégories si on veut, de serments. La première, le cheikh il dit, c'est... Bon, il y en a plus que trois, mais le cheikh il résume en trois catégories. Il dit: awwaluha al-yamin al-laghwi. Al-yamin al-laghwi. Wa hiya allati ta'ti 'ala lisan al-insan min ghayri qasd. An Aisha radiyallahu anha qalat: unzilat hadhihi al-aya la لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله. Ok, la première catégorie de serment, c'est le serment que quelqu'un fait de façon frivole, dans le sens que la personne elle jure sans vraiment penser ou réfléchir à la chose à propos de laquelle elle jure. Hein? C'est-à-dire, elle jure à propos de quelque chose sans y penser vraiment. Et Aïcha, radiallahu anha, elle a donné l'exemple du verset 89 dans Surat Al-Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui signifie, Allah ne vous sanctionne pas, hein? C'est-à-dire Allah il ne va pas vous tenir pour compte pour la frivolité dans vos serments. C'est-à-dire des serments que vous prenez sans vraiment y penser ou réfléchir. Hein? Et elle a donné l'exemple de quelqu'un quand il parle, il dit non par Allah, je te, comme en arabe tu dis non wallahi je te dis j'ai pas fait ça, ou oui par Allah j'ai fait ça, ou comme les jeunes ou les gens dans la rue parfois ils discutent entre eux, wallahi akhi j'ai fait ça, j'ai pas fait ça, ils y pensent même pas. Peut-être que c'est devenu une habitude même pour eux de dire wallah. Alors ils disent wallah à chaque chose qu'ils disent, ils disent wallah wallah, hein. Allah subhanahu wa ta'ala, il va pas tenir compte de la personne pour qu'est-ce qu'elle a juré quand elle a dit ça de cette façon-là, parce qu'elle parle, elle dit wallahi sans même réfléchir qu'est-ce qu'elle dit, sans même donner de l'importance à qu'est-ce qu'elle dit non plus. Donc le verset ça dit Allah ne vous, ça dit ce qui signifie Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. L'expiation, hein, si vous avez fait ce genre d'expiation-là, on va le lire après, c'est la deuxième catégorie de serment. ثانيها اليمين المنعقدة أو اليمين المكفرة وهي التي يقصد عقدها على أمر مستقبل كأن يقول والله لا أفعلن كذا والله لا أفعل كذا يعني في المستقبل وهي التي تجب فيها الكفارة ولهذا قال تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان يعني فكفارته إطعام 10 مساكين. Al-Ma'ida, le verset 89. Donc la deuxième catégorie de serment, c'est lorsque quelqu'un fait un serment et que il pense vraiment à l'exécuter, ce qu'il veut faire, et il le dit avec sérieux, avec intention. Donc il fait un serment avec intention et il est déterminé à faire ce qu'il a mentionné dans son serment. Et ce serment-là, c'est comme si quelque chose qu'il a l'intention de faire dans l'avenir. Et comme il dit par exemple, par Allah, je jure que je vais faire telle chose. Par Allah, je jure que je ne vais pas faire telle chose dans l'avenir. Ce serment-là, si la personne ne l'a pas respecté, ne l'a pas accompli, il devra faire quelque chose pour expier son serment. Il devra exécuter quelque chose ou faire quelque chose pour expier son serment. Et parmi les choses qu'il doit faire, c'est mentionné dans le verset. Donc, le verset 89, encore une fois, dans Surat Al-Ma'ida, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. Hein? Comme c'est écrit en arabe dans le verset, bima aqadtum al-ayman. Il dit ensuite, fakaffaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Donc le verset, la suite du verset, ça dit ce qui signifie. Donc, mais il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter dans l'avenir. L'expiation en sera de nourrir 10 pauvres de ce dont vous nourrissez normalement vos familles. Donc ça, c'est une des choses que quelqu'un peut faire pour expier son serment qu'il n'a pas respecté. Il nourrit 10 pauvres de ce qu'il nourrit sa famille. Ou de les habiller, c'est-à-dire de les vêtir, de vêtir 10 pauvres. Ou de libérer un esclave. Ça aussi, c'est une chose que tu peux faire pour expier de ce serment-là. Et après, il dit, et celui qui n'en trouve pas les moyens, hein, c'est-à-dire il n'a pas le moyen de nourrir, il n'a pas les moyens d'habiller, il n'a pas les moyens de libérer un esclave, alors il dit, celui qui n'en trouve pas les moyens devra jeûner 3 jours. Donc, tu dois, dans ce cas-là, jeûner 3 jours. Voilà l'expiation pour vos serments lorsque vous avez juré. Et tenez à vos serments. Ainsi Allah vous explique ces versets afin que vous soyez reconnaissants. Donc c'est très important pour le croyant qu'il soit sérieux dans ses serments et qu'il soit véridique. La troisième catégorie de serment qui est mentionnée par le cheikh, il dit ثالثها اليمين الغموس وهي الحلف على أمر ماض كاذبا متعمدا وهذه ليست فيها كفارة وإنما فيها التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار فإذا لم يتوب الإنسان منها فإنها تغمسه في الإثم ثم في النار كأن يحلف أنه رأى فلانا يفعل كذا وهو لم يراه أو يحلف على سلعة أن ثمنها علي بكذا وهو كاذب متعمدا لذلك فهذه هي اليمين الغموس التي تجري على ألسنة كثير من التجار والباعة في الأسواق Donc le cheikh il dit, la troisième catégorie de serment, c'est le faux serment, le serment mensonger, le serment qui enfonce la personne ou fait tremper la personne dans le péché et dans l'enfer. Et c'est le fait de jurer à propos de quelque chose qui s'est produit dans le passé de façon mensongère et intentionnelle, volontairement. Et ce genre de serment, il n'y a pas d'expiation spécifique pour le pardonner ou pour le faire pardonner. La seule expiation ou la seule chose qu'il faut faire lorsque quelqu'un a fait un faux serment, c'est qu'il doit se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Si la personne ne s'est pas repentie de son serment mensonger, eh bien dans ce cas-là, il a été trempé dans le péché. Il s'est enfoncé dans le péché, puis dans l'enfer par la suite. Il sera trempé dans l'enfer à cause de ça. Comme par exemple la personne qui jure en disant « j'ai vu telle ou telle personne » alors qu'elle ne l'a pas vue. Elle dit, je jure par Allah que j'ai acheté la marchandise à tel prix, alors qu'en réalité, il n'a pas payé ce prix-là. Mais il ment de façon intentionnelle et volontaire, et ça c'est qu'est-ce qu'on appelle al-yamin al-ramous. C'est ça les faux serments. Les serments mensongers. Et il dit que ce genre de serments, on les retrouve souvent dans la bouche des commerçants, dans les marchés. Ils veulent vendre leurs marchandises, alors toi tu leur dis, fais-moi un spécial, baisse ton prix, vends-la moi moins cher. Il lui dit, je te jure par Allah, je l'ai acheté tel prix, je ne peux pas baisser le prix, je te jure par Allah, je l'ai acheté à ce prix-là, alors que ce n'est pas vrai. Donc ça c'est un faux serment, Et il dit, ils veulent par cela vendre leur, se débarrasser, ou bien plutôt vendre plus facilement leurs marchandises. Donc ils mentent et ils jurent qu'ils ont acheté à tel prix ou à tel prix. Le cheikh il dit, وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ مِنَ الَّذِينَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ والمنفق سلعته بالحلف الكاذب لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه وقال عليه الصلاة والسلام الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. Le cheikh il dit que c'est mentionné dans le hadith que ceux que Allah ne va pas regarder au jour de la résurrection, il ne va pas les purifier, ils auront un châtiment douloureux. La personne qui il vend ses marchandises par les faux témoignages, les faux serments, des serments mensongers. Il ne vend pas sans jurer et il n'achète pas sans jurer, sans faire des faux serments. Donc ça c'est grave. Et il dit également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith qui est rapporté également par Al-Bukhari et Muslim, que le fait de jurer, ça peut faire vendre les marchandises, mais ça enlève aussi la baraka. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est-à-dire que la personne qui fait des faux serments, elle vend sa marchandise, mais il n'aura plus aucune bénédiction dans sa vente ou dans l'argent qu'il gagne de cette vente-là. Et le cheikh il dit ensuite, fal halifu murawijun lis-sil'a walakinahu sababun lidhahab al-mal imma bitalaf يلحقه في ماله أو بإنفاقه في غير ما يعود نفعه إليه في العاجل أو ثوابه في الآجل جراء هذا اليمين وهو يأتي بعد شهادة الزور في غلظ تحريمه وعظم إثمه ويدخل في هذا اليمين في الخصومات فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر فإذا حلف وهو كاذب ليأخذ مال أخيه في الخصومة فإنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أقطع له قطعة من النار وفي حديث أبي أمامة الذي سيأتي يلقى الله وهو عليه غضبان ومن الذي يطيق غضب الرب سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit que la personne qui jure pour vendre sa marchandise, ça c'est une des choses qui fait que yani, il vend sa marchandise, mais tous ses biens vont partir. Ils ne vont pas rester. Soit parce qu'ils vont périr, ils seront plus bons, à cause d'une chose qui va lui arriver, un malheur quelconque, ou dans ses biens, il va perdre ses biens. Ou bien parce qu'il va dépenser son argent dans des choses qui ne vont pas lui être bénéfiques. Ou bien il n'aura pas la récompense de qu'est-ce qu'il a fait à cause de ces faux serments qu'il a fait. Et ensuite vient le faux serment, le serment mensonger, il vient dans la gravité après le faux témoignage. Dans la gravité et dans le péché et dans son interdiction. C'est aussi grave que le faux témoignage. Parce que ça rentre également dans les serments que quelqu'un fait lorsqu'il y a un conflit entre deux personnes et qu'il doit témoigner dans le tribunal. On le fait faire un serment, on le fait jurer. Et il dit que la personne qui prétend que le bien lui appartient ou quelque chose lui appartient, il va amener sa preuve ou son témoin, et le serment est, c'est la personne qui nie, elle doit faire un serment pour dire non, je jure que cette chose, qu'est-ce qu'il dit, c'est pas vrai. Et donc, si la personne elle jure, mais qu'elle ment pour prendre le bien de son frère dans ce conflit-là, ou dans ce désaccord-là, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de cette personne qui jure de façon mensongère que c'est comme si je lui donne la chose c'est comme si je lui donnais un morceau de l'enfer. Hein? Il prend le bien de son frère injustement en faisant des faux serments. C'est comme si je lui donnais un morceau de l'enfer. Et dans le hadith de Abi Umama, qu'on va mentionner après, dans le prochain cours, Inch'Allah, qu'on a lu au début, que Allah subhanahu wa ta'ala va le rencontrer au jour de la résurrection alors qu'il va être en colère contre lui. Et le cheikh, il dit, et c'est qui est-ce qui est capable de supporter la colère du Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala? Hein? Personne. Donc il dit, وَتَكُونُ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ فِي ثَلَاثَةِ أُمُورٍ وَهِيَ فِي الْيَمِينُ فِي الْأَخْبَارِ الْكَذِبَةِ وَالْيَمِينُ فِي الْبَيْعِ وَالْشِرَةِ وَالْيَمِينُ فِي الْخُصُومَاتِ. Donc le cheikh, il dit que les faux serments, c'est dans trois choses. Le serment à propos des informations mensongères, le serment à propos de la vente et de l'achat, hein, dans le commerce, et les serments dans les disputes et les conflits entre les personnes. Donc ça, c'est dans les cas dans lesquels on retrouve beaucoup de serments mensongers. Le premier, c'est dans les informations mensongères. Le deuxième, c'est dans le commerce, quand on vend et quand on achète. Et le troisième, c'est dans les conflits et les désaccords, les disputes, souvent dans les tribunaux. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Puis on continuera ça la semaine prochaine, bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.